La prochaine fois à Assemblage requis. On parle des spectacles à ne pas manquer au Festibois. Moi, j'utiliserai le pouvoir de ma voix, mais seulement pour le bien. Avec une toute nouvelle chronique, c'est un fait. Et moi, je vais tout simplement vous parler du nouvel album de Stars qui sortait cette semaine. On vous fera voir des étoiles à Assemblage requis, jeudi 15h ou samedi 16h.